9-4. Comme Tony, j'aurais tué Manny. Seul dans l'impasse, le nez dans la cesse. Quand alcool et haine se marient, va le faire au Manny. Depuis l'Écosse, là où la vie rex, prêt à dégainer quand ça charrie. Depuis j'ai mûri, pris de l'âge, passe un hommage à mes frères d'armes mis en cage. À ceux décédés, j'ai retenu mon souffle afin de serrer la ceinture. Le ventre vide, à flairer les decks en pâture. Issu des blocs, mon bloc note pèse. Quelquefois des idées loufoques pour faire du pèse. Toujours du courage plein le fort, comme s'il veut se taire. Mon cop a délaissé les procs et les cops pour s'offrir un peu d'air. C'était les militaires pris auparavant, cache cache que pour du cash plein les couvents. J'ai pris la vie du mauvais côté, à chercher la merde quand le bien-être ici vaut la côté. Du bon côté. Dans la folie on médite plus c'est pas de warning si t'es sur le bas côté. Les combats pour les éviter, mais face au coup dur prends la vie du bon côté. Même si les deux veulent te sauter c'est pas de bavure même si t'as les à côté. On trouve un look catapulté. Chez toi c'est violent, à la Sin City. Pas de place pour les agneaux sinon y'a Sim City. Pas de quoi finir en avatar si la vie déçoit. Quand y'a plus d'amis, il reste que les signes de soi. Que tu sois né dans la sueur ou dans la soie. Black, blanc ou beurre, on veut tous l'or quoi qu'il en soit. Réagis dès lors, si peu agis, pleure dans la douleur. Quand je passe au niveau supérieur, oui d'avoir la dealer. Pris dans la roue de l'infortune, tu veux des thunes. À coup de millions d'euros, soigner tes lacunes. Si t'es si banal, où est le drame? À chercher l'oseille, on y perd l'âme. T'as les pieds dans la merde et c'est plutôt de pas te noyer. Batailler même si tu penses que t'es bataillé. Le temps c'est courte et la mort est sans préavis. Ici c'est marche ou crève alors. Prends la vie du bon côté. Dans la folie on médite plus c'est pas de warning si t'es sur le bas côté. Les combats faut les éviter mais face au coup dur prends la vie du bon côté. Même si les deux veulent te sauter c'est pas de bavure même si t'as les à côté. On trouve nous catapulter. Il faut juste croire en ses capacités. Si tu le vis sans gloire, on t'a prémédité. Si tu vois très peu d'espoir, faut de la ténacité. On en a marre d'avoir ce qu'on n'a pas mérité. Mais ici faut juste croire en ses capacités. Si tu le vis sans gloire, on t'a prémédité. Si tu vois très peu d'espoir, faut de la ténacité. On en a marre d'avoir ce qu'on n'a pas mérité. Tellement pris de carottes, ça m'a rendu aimable. L'histoire m'a donné raison, je les ai rendus minables. Si j'ai gagné, c'est à la force de mes doigts et de mon cerveau. Quand la rue cavale dans des cerceaux, le temps d'un perso, le temps se consume. Moi je fais mon bif, car cousin faut que mes gosses j'assume. Moi je suis paré pour la guerre, armé d'un stylo. Ici c'est DR, le nettoyeur au milieu. Dans la folie, on médite plus, c'est pas de warning si t'es sur le bas côté. Les combats faut les éviter, mais face au coup dur, prends la vie du bon côté. Même si les deux veulent te sauter. C'est pas de bavure même si t'as les à côté. On trouve nous catapulté. 9-4 DRY. Les derniers sont les premiers. Tôt ou tard négro. Jacques Cartier. Yeah.